Je vais mettre celui-là de ce côté-là. Bonjour à toutes et à tous. On va essayer de commencer à l'heure puisque le temps nous est compté. Il faut absolument qu'on ait quitté ces locaux à 18h30, si j'ai bien compris. Donc voilà. Donc on ne va pas perdre trop de temps. Bienvenue donc dans cette table ronde présentation autour des pratiques de l'écrit organisées en partenariat avec la Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne et les éditions de la Sorbonne, ce qui va être l'occasion de parler des publications des collègues qui nous ont fait l'amitié de bien vouloir venir discuter de ces questions centrales pour le programme des concours de recrutement de l'enseignement secondaire, que ce soit le CAPES ou l'agrégation. Alors je présente rapidement les collègues en question. Donc Claire Angotti, qui est maîtresse de conférence à l'université de Reims-Champagne-Ardenne. Pierre Chastan, qui est professeur à l'université Versailles-Saint-Quentin. Didier Lette, professeur à l'université Diderot, c'est comme ça qu'on dit. L'université de Paris. Ah oui, pardon, les universités changent de nom tout le temps, donc c'est très compliqué. L'université de Paris et Paul Bertrand, qui est professeur à l'université de Louvain. Hein, vous voyez quand même le caractère international de ce panel. Alors, sans plus attendre, je crois qu'on va commencer, on va organiser la chose de la manière suivante. Nous avons dégagé un certain nombre de thèmes qui tiennent à cœur à nos auteurs. Pour chaque thème, on va présenter pendant un petit quart d'heure l'essentiel du contenu, hein, du thème. Et ensuite, vous aurez la parole aussi pour un quart d'heure pour des questions. Je pense que c'est important. Et comme ça, on pourra étudier en gros trois thèmes dans l'heure et demie qui nous est octroyée par les services de sécurité. Donc, il nous a semblé que dans toutes les publications dont il est question ici, un des éléments très importants était la question de l'autorité de l'écrit, de la relation entre l'écrit et l'autorité, qui est aussi au cœur du programme. Et pour commencer, je vais donner la parole à Didier Lette, qui pourra exposer un petit peu la démarche qui l'a conduit à explorer avec son équipe les statuts communaux en France et en Italie, qui sont par définition un écrit d'autorité, mais qu'en même temps, il a voulu étudier d'une autre manière que de la simple manière l'écrit normatif, sous laquelle on les voit en règle générale. Merci Geneviève. Donc oui, un mot rapide sur ces volumes donc, qui sont sortis aux éditions, enfin, aux publications et maintenant aux éditions de la Sorbonne. Il y en a trois et le quatrième sort au mois de mai. Enfin, ça sera le dernier. Et évidemment, je pense que la démarche en tout cas intéresse la question d'agrégation, puisque l'idée effectivement c'était de prendre une documentation particulière, qui sont les statuts communaux à la fois en Italie, enfin de l'Italie communale et du Midi de la France. Hein, il y avait à la fois l'aspect comparatif qui était intéressant. Et de les étudier, parce qu'évidemment, il y a une historiographie très importante hein, sur ces statuts, beaucoup plus en Italie que pour la France. Et l'idée était de les étudier plutôt comme une source, effectivement, de la pratique, hein, pas une source normative, justement. D'où, évidemment, le rapport avec l'autorité de l'écrit. Ça fait autorité, évidemment, c'est une norme. Hein, ce sont l'ensemble des normes qui sont couchées par écrit, l'ensemble des normes qui régissent donc le bien commun, la manière de fonctionner d'une commune. Mais on a voulu montrer que c'est une source de la pratique. Alors la démarche a été la suivante, hein, et je voudrais juste développer ça parce que je trouve qu'effectivement c'est en phase complète avec la question d'agrégation. L'idée étant évidemment d'abord dans un premier temps de partir de la matérialité hein, des statuts, c'est-à-dire d'étudier leur support, donc tout ce qui concernait vraiment la matérialité, la langue aussi, hein, certains sont écrits directement en vulgaire, d'autres, bien sûr, la majorité en latin. Ensuite, le deuxième temps, ça a été d'étudier ce qu'on appelait les faiseurs de statuts, hein, c'est-à-dire que qui finalement étaient les personnes concrètement qui écrivaient. Hein, et là, on a essayé de montrer bon, qu'il y avait à la fois des décideurs, hein, des gens qui effectivement prenaient des décisions d'écrire, qu'on retrouvait souvent ces décideurs à la fin, hein, au moment de la promulgation du statut, voire la diffusion. Et puis, il y avait vraiment ceux qui scoltinaient au travail du scripteur, hein, c'est-à-dire ceux qui écrivaient vraiment, tous les notaires, hein, les statutarii, donc les gens qui écrivent vraiment les statuts, qui étaient souvent aidés, épaulés par des hommes de loi, hein, plus ou moins. Voilà. Et ça, c'était important parce que je trouve que ça permettait de descendre d'un cran, finalement, au niveau de la gouvernementalité, c'est-à-dire de ne pas seulement étudier l'autorité et le gouvernement au niveau le plus haut, mais de voir aussi hein, les gens qui scoltinaient voilà, au travail, on va dire, de la rédaction des statuts. Ensuite, on a essayé de montrer aussi que de mettre en relation ce type de document avec tous les autres documents en fait de la commune, hein, voire éventuellement pas seulement communal, mais aussi les statuts de métier, par exemple. Hein, d'essayer de voir toutes les connexions possibles. Et ça aussi, je crois que ça intéresse hein, cette idée de système documentaire, d'interconnexion, hein, d'interconnexion des différentes typologies documentaires. Et puis, on a terminé, c'est les deux derniers volumes, on a terminé sur ce qu'on appelait les statuts vus d'abord de l'intérieur, c'est-à-dire évidemment qu'il fallait bien les examiner comment ils étaient construits, hein, les différents thèmes qu'ils abordaient, l'organisation, est-ce que c'était des découpages en livres, en rubriques, alors c'est plus vrai pour l'Italie communale que pour le Midi de la France où les classements sont moins rigides. Et puis dans un dernier temps, ça a été l'idée étant, et c'était l'aboutissement finalement de notre travail, on avait commencé par l'aspect un peu, on va dire, hard, dur, hein, la matérialité, et on finissait sur ce qui nous intéressait le plus, c'est-à-dire l'usage des statuts. Comment on pouvait montrer dans la vie quotidienne, comment on usait les statuts. Alors la meilleure façon de chercher comment on use de ces statuts, hein, c'est comment ils sont diffusés et usés et utilisés, c'était bien hein, de partir des autres, de regarder tout ce qu'il y avait de statuts dans les autres documentations. Donc dans les registres de délibération communale, dans les registres de justice, éventuellement dans la littérature, dans les chroniques, etc., de voir comment, finalement, ces statuts étaient utilisés. Voilà, c'est un peu la démarche, et j'arrête là parce que j'ai déjà trop parlé, je suppose. Voilà, mais j'attends les réactions. Alors peut-être que, par rapport à cette question de l'autorité de l'écrit, peut-être que Pierre ou Claire peuvent dire quelque chose du programme sur le pouvoir des listes, qui est quelque chose qu'on attend peut-être moins que les statuts communaux qui sont une forme juridique bien connue. Bon, la liste, est-ce quel rapport entre la liste et l'autorité ? Ben je peux réagir sur ce qu'a dit déjà Didier, puisque en fait, il m'a fait l'amitié de m'inviter à participer à ce programme, et donc j'ai travaillé aussi sur ces questions de statuts urbains. Je pense qu'effectivement, ça nous a permis de souligner l'importance de ce que Jean Godemé appelle dans un certain nombre de ses travaux les orfèvres du droit, c'est-à-dire de viser finalement un groupe de personnes à l'intérieur de ces entités politiques que sont les communes, qui ne sont pas à proprement parler uniquement les juristes, mais qui sont finalement des personnes participant à l'administration de la commune et qui, par conséquent, effectivement, produisent ou participent à la production de ces corpus normatifs qui servent au quotidien dans le règlement, dans les transactions sociales, on pourrait dire, à l'intérieur de l'espace communal. Et ça me paraît être un élément très important et qui caractérise d'ailleurs un certain nombre de travaux récents sur la culture de l'écrit qui sont très largement à l'horizon du programme d'agrégation qui est effectivement le fait que les historiens médiévistes ont ces dernières années sont beaucoup intéressés à cet écrit pragmatique et finalement à ces orfèvres du droit, aux notaires, aux praticiens du droit, à toutes ces catégories qui sont effectivement des catégories de scripteurs tout à fait singuliers et particulièrement intéressants. Et on voit bien comment, effectivement, en focalisant sur ce type d'acteurs, on décale le regard qu'on porte effectivement traditionnellement sur les statuts qui sont fortement arrimés à une tradition juridique savante. Et on peut, par ce biais, effectivement, les questionner selon une logique et une logique beaucoup plus pratique, pragmatique, des usages, et considérer aussi qu'ils sont finalement les témoins d'une hétérogénéité du droit au sein des communes. Alors je ne vais pas me défiler puisque tu m'as sur les listes. Effectivement, je vais répondre très partiellement à ta question puisque effectivement cette question de la jonction entre autorité et usage des listes est extrêmement complexe Mais effectivement, un des usages de ces listes, des listes au Moyen Âge, est lié finalement à des formes d'écriture pragmatique et à des formes de mise en ordre à la fois des biens, des objets et des personnes sous des formes qui sont des formes extrêmement diverses. Et on peut repérer par conséquent, dans ce basculement effectivement du Moyen Âge central, on peut repérer le développement, non pas l'apparition, mais en tous les cas le développement très fort de l'usage de ces listes comme des outils qui sont des outils qui servent à la fois à gouverner des personnes et à administrer des biens et des objets, et par conséquent qui ont un rôle extrêmement concret dans le développement d'un pouvoir, des pouvoirs, et en particulier du pouvoir exerçant donc une autorité, si on reprend cette notion initiale. Pour enchaîner sur la question de l'autorité, moi je prendrai les choses par un autre bout, non pas du côté de l'écrit pragmatique, mais aussi de l'histoire intellectuelle, dans la mesure où le terme même d'auctoritas et d'auctoritates fonde vraiment l'enseignement scolaire et ensuite universitaire. Donc il faut, je pense, être assez au clair sur ces définitions d'autorité et surtout être précautionneux quand on définit ce qu'est une autorité. À l'origine, en tout cas, l'autorité, hein, telle qu'elle est définie par les maîtres, déjà dès le XIe siècle, et en réalité, c'est aussi un héritage de l'Antiquité, c'est qu'on reconnaît à un auteur et à ses écrits une valeur de référence, disons, et cette valeur de référence prend aussi une dimension d'orthodoxie dans un contexte chrétien. Bien évidemment. Donc l'autorité pour la période qui nous intéresse par excellence, c'est d'abord la Bible, évidemment. Et puis, juste après la Bible, si j'ose dire, les pères de l'Église, qui sont directement inspirés par l'Esprit divin. Le problème, évidemment, va se poser pour tous les philosophes et tous les docteurs païens, dont ces maîtres vont avoir besoin précisément pour, là aussi, explorer le texte biblique, mieux le comprendre. Et il va falloir donc établir l'autorité aussi d'un certain nombre d'auteurs qui ne sont pas chrétiens et donc théoriquement pas inspirés par Dieu. Donc à l'origine, une autorité, c'est un auteur d'abord inspiré par Dieu, et puis en raison justement des programmes scolaires et universitaires, ça devient finalement un auteur de référence qui a couvert l'ensemble d'une discipline. Et à partir de là seulement, certains manuels vont utiliser des extraits d'autorité, hein, pour servir justement aux écoliers et aux étudiants. Donc la notion d'autorité, elle n'est pas liée qu'aux écrits pragmatiques, mais elle est vraiment au cœur d'une partie de la question qui est liée justement à l'élaboration du studium. Une autorité, théoriquement, on ne la critique pas, on ne la censure pas. En revanche, un manuel, on peut le critiquer et on peut le corriger, en quelque sorte. Et les listes, je rebondis sur ce que vient de dire Pierre, servent aussi à ça. Elles permettent, dans un contexte scolaire, justement, de signaler comment tel ou tel passage d'une œuvre qui utilise les autorités peut être discuté, peut être remis à jour. Voilà, pour compléter rapidement ce qui a été dit, il y aurait mille choses à dire sur les autoritates. J'ai fait très vite. Paul, tu veux dire un mot sur l'autorité et les écritures ordinaires ? Oui, peut-être justement en retournant encore l'argument, en ne parlant plus ici des autorités qui s'appuient sur l'écrit, mais de l'écrit qui autorise. Et on va dans le même sens, hein, parce que c'est le même questionnement en quelque sorte. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, et tu as cité le terme d'écriture ordinaire, l'expression, à partir d'un certain moment, à partir du XIIe, XIIIe siècle, on voit apparaître un écrit de plus en plus écrasant, hein, en nombre, en importance, en multiplicité, en typologique. Et cet écrit s'appuie évidemment sur des autorités, émane d'autorités. Au fur et à mesure, cet écrit prend une posture particulière et des institutions ou des individus, ce que j'appellerais des micro-institutions, là, un niveau aussi très, très local, un niveau, au niveau le plus bas de la société, à tous les niveaux de la société, évidemment, mais et surtout à ces niveaux les plus bas, des micro-institutions apparaissent qui vont prendre une posture, prendre une importance à la fois sociale, économique, mais aussi politique, en s'appuyant sur l'écrit, parce que c'est écrit dont ils récupèrent d'ailleurs les formes, les modèles, les structures, la mise en page des grandes autorités, hein, eh bien, ils les capturent, en quelque sorte, ils les kidnappent, et ils en font leur propre document, qui eux-mêmes s'autorisent et surtout les autorisent. Et donc ces micro-institutions, que sont les échevinages, que sont les petites cours de justice, que sont les petits clercs, s'autorisent grâce à cet écrit qui tout d'un coup leur donne du poids. Et c'est une autre version, une autre vision de l'autorité, mais qui est tout aussi importante. C'est-à-dire que là, on voit que l'autorité, si je peux, pour terminer juste, on est dans une sorte de dynamique réciproque. L'autorité de l'écrit vient des autorités et l'écrit va autoriser des individus qui n'étaient pas au départ autorisés directement, en tout cas qui cherchent une autorité. Et c'est une perspective qui n'est pas spécifique au travail récent des médiévistes sur les institutions, puisqu'en fait on peut trouver par exemple chez Filippo De Vivo sur l'évolution de l'État au 15e, 16e siècle, des logiques d'analyse qui recoupent exactement ce que Paul vient de dire et qu'on range très souvent sous l'appellation d'histoire sociale de l'État, effectivement, dans lequel les historiens ont regardé de près la manière dont, effectivement, l'usage de l'écrit autorise alors des institutions, mais aussi, à partir d'un certain moment, des services à l'intérieur de cette grande masse bureaucratique ou proto-bureaucratique qu'est l'État. Voilà. Et c'est ça le grand moment de la révolution de l'écrit à cette époque-là. Un des sept temps importants, c'est ça. Et très vraisemblablement, une partie de ces acteurs de l'écrit avaient justement fréquenté les écoles et l'université. Ils reproduisent finalement quelque chose qu'ils ont appris ou à laquelle ils ont été confrontés, bien sûr. Et on retrouve là... ce qu'on vous disait, puisqu'on a répondu, on s'est chacun laissé ses listes avec Claire, mais précisément, en fait, ce qui est très intéressant dans le travail qui est collectif qui a été mené autour des listes, c'est précisément que la liste est une technique scripturale et cognitive qui est présente précisément du côté du studium, mais aussi du côté de l'écrit pragmatique. Et on se rend compte qu'on peut dresser un certain nombre de parallèles et qu'on a des techniques qui sont des techniques convergentes, et que par conséquent, finalement, les historiens du Moyen-Âge ont parfois trop souvent séparé les choses, parce qu'ils sont spécialistes soit d'histoire intellectuelle, soit plutôt, effectivement, d'histoire sociale et économique, mais qu'un certain nombre d'objets ou de formes scripturales permettent de recoller les morceaux, en quelque sorte, et d'apercevoir combien, finalement, effectivement, la culture de ces scripteurs est une culture qui à la fois relève d'une formation universitaire ou scolastique d'un côté, et en même temps est amplement engagée dans des écrits pragmatiques. On pourrait citer des dizaines d'évêques, par exemple, anglais, par exemple également, qui effectivement ont cette double casquette. Et pour compléter, oui, autre manière de voir les listes, et on voit bien qu'effectivement ça tient à la formation. Je pense dans les registres de justice, par exemple, hein, donc qui sont tenus dans les communes italiennes, par exemple, systématiquement, lorsqu'il y a, enfin pas systématiquement, mais très souvent, lorsqu'il y a des cas de vol, hein, on a des listes hein, d'objets volés. Et systématiquement, on voit bien qu'il y a une mise en liste. Hein, c'est-à-dire qu'on voit, alors on a des folios entiers, hein, parfois, quand. À 100 ou 150 objets ont été volés, on a donc cette mise en liste. Et on voit bien que le notaire, il a cette habitude, hein, sur un plan purement graphique, hein, de mettre à plat, d'écrire la liste des objets volés d'une certaine manière, hein, en allant à la ligne, pour faire vite, hein, à chaque autre objet, hein, ce qui n'est pas évident. Il aurait pu, effectivement, hein, faire une liste en mettant bout à bout les objets. Donc ça aussi, ça rend compte, hein, de manière, pour le coup, très pragmatique, hein, c'est le notaire qui écrit un procès, de manière très pragmatique, comment tout ça, venant évidemment d'en haut, venant du studium, va jusqu'aux écritures pragmatiques. Alors, le professeur est bavard, donc stop. J'aimerais bien avoir un petit peu de temps pour des questions plutôt autour de ces aspects d'autorité, de l'écrit, qui, comme vous l'avez bien compris, circulent un peu dans tous les sens. Alors, s'il n'y a pas de questions, on peut utiliser la totalité du temps et même au-delà. Ça ne nous fait pas peur. Mais quand même, je pense que... N'hésitez pas sur la première question, qui est la plus difficile. Là, il y a une question. Je n'ai pas bien compris s'il y avait une évolution de la notion d'autorité sur la période qui serait donc, affectée par les pratiques du studio, mais qui, de façon générale, se transformerait le rapport à l'autorité ou sa définition à l'époque. Alors, en termes de programme universitaire, on peut dire qu'il y a une sorte d'évolution parce qu'il y a une partie des textes, par exemple, on peut penser au droit, hein, une partie des textes qui vont être considérés comme autoritatifs et donc comme vont être étudiés par les membres des écoles et surtout de l'université, et ben sont produits au cours de la période. Donc toutes les collections de Décrétal, avec les commentaires des canonistes, par exemple, pour ce qui concerne le droit de l'Église, évidemment, sont introduites au fur et à mesure qu'elles sont produites par les papes et commentées par ses premiers maîtres. Donc, de ce point de vue-là, il y a une évolution des autorités. Le mouvement des traductions aussi accroît finalement le corpus autoritatif. La découverte d'une partie de l'œuvre philosophique d'Aristote conduit bien sûr là aussi à alors, ouvrir encore plus la notion d'autorité ou à donner à Aristote une dimension d'autorité plus importante qu'elle n'était peut-être au XIIe siècle, où il n'était finalement que l'autorité, qu'il ne faisait autorité qu'en termes de logique, par exemple. Et il devient vraiment une autorité, là, en termes, pour tout ce qui concerne quasiment le quadrivium et une partie du trivium, et de la philosophie de manière générale. Le philosophe. Magister. Par excellence. Magister Dixit, c'est Aristote. Et juste pour ajouter quelque chose qui va dans le même sens, en fait, on a une évolution de l'autorité également au niveau de la production des documents pragmatiques. De fait, on voit apparaître au fil il faut remonter loin, avant probablement le Xe siècle, où on voit que les autorités en termes pragmatiques sont des autorités qui sont d'ailleurs garanties, qui sont que l'on visualise au travers notamment de la conservation des documents. C'est un terme, on reviendra sur ça tout à l'heure. C'est-à-dire des documents que l'on va conserver ou que l'on va utiliser, et notamment que l'on va utiliser pour faire des faux, qui viendront de grandes autorités. Et plus alors, plus on va avancer au XIe, XIIe, XIIIe siècle, plus cette documentation autorisée et autorisante sur laquelle on va s'appuyer, que ce soit pour faire des faux, que ce soit simplement pour ceux dont on va se réclamer, va être une documentation qui va venir d'autorités de plus en plus, entre guillemets, inférieures du point de vue des autorités, des niveaux, des étages d'autorité. Et donc, on va arriver au XIIIe siècle, alors, on va s'appuyer sur des documents émanant d'autorités qui peuvent venir d'un niveau vraiment local, voire même hyper local. Donc là, on peut dire qu'on a eu une transformation d'autorité, une sorte de percolation des niveaux d'autorité. Une autre question, oui, madame. Qui valide Alors, pour ce qui concerne le studium, de manière générale, évidemment, l'Église s'efforce de contrôler une partie pas efficacement toujours, mais une partie des textes qui circulent et des écrits qui circulent. Donc, c'est essentiellement le pouvoir ecclésiastique, le pouvoir royal, en tout cas pour la période qui nous intéresse. Et vraiment, dans le cadre strict du studium, intervient probablement moins ça. Arrive au XVe siècle, on voit par exemple le roi interdire la diffusion d'un certain nombre de textes, de philosophes ou même de théologiens, demander que les ouvrages ne soient plus communiqués, par exemple, dans la bibliothèque de la Sorbonne. Mais au XIVe siècle, il me semble que le pouvoir royal, vraiment sur les textes et les auteurs, intervient moins que le pouvoir pontifical et de manière plus globale le pouvoir ecclésiastique, parce que un certain nombre d'évêques, dès le XIIe siècle, face à l'effervescence des écoles, se sont efforcés d'intervenir, de limiter une partie de la curiosité des maîtres ou des positions des maîtres en les condamnant ou en tentant de les condamner. On a Abélard, bien sûr, qui est condamné. Mais par exemple, il y a eu un certain nombre d'attaques contre Pierre Lombard qui ont en général échoué, mais qui attaquaient précisément l'usage qu'il faisait des autorités. Lui-même n'était pas une autorité, mais son manuel combinait toutes sortes d'autorités. Donc il y a une sorte de feuilletage aussi qui est parfois un peu complexe à saisir. L'autorité est très diffuse, c'est-à-dire que en histoire intellectuelle, en tout cas, on s'appuie sur les autorités, mais ça a un effet extrêmement créatif aussi. Il ne faut pas voir une autorité autoritaire. Une autorité autoritaire ou qui limiterait justement l'aventure intellectuelle, au contraire, je pense. Une dernière question sur ce thème ? Non ? Oui. Est-ce que un même auteur, en fait, en fonction de sa production, du type de production intellectuelle qu'il fait, peut être tantôt une autorité et tantôt pas en être? Je pense, c'est des souvenirs de fiches un peu fou, mais à Ostiensis, qui je crois a travaillé sur les décrétales et qui a fait une lectura et une summa, et donc du coup, il y aurait peut-être un des deux qui serait plus une sorte de manuel et l'autre quelque chose qui proviendrait plus de lui. Et donc est-ce que du coup, l'un aurait statut d'autorité, l'autre non, enfin... Alors de manière générale, les magistris, les maîtres, ne sont pas des autorités. On est un peu réactionnaire à l'université, aux écoles. C'est-à-dire qu'en général, c'est quand même des auteurs beaucoup plus anciens qui sont considérés comme des autorités. Par exemple, quelqu'un comme Vincent Beauvais, dans son Speculum Maius, quand il fait une compilation et qu'il utilise un certain nombre d'autorités, prend la peine de classer les autorités. Alors il y a d'abord les très grandes autorités, c'est la Bible, les pères de l'Église. Ensuite, il y a quelques autorités un peu moins autoritatives. Donc là, on trouve des auteurs carolingiens, par exemple, et puis Richard de Saint-Victor et Hugues de Saint-Victor. Donc on est plutôt au début du XIIe siècle. Ensuite, pour lui, dans les autorités encore moins importantes, il y a les philosophes et les docteurs païens. Et enfin, il y a tout le reste des textes qui, là, ne sont pas autoritatifs pour lui, et dont il dit au lecteur, eh ben, c'est à toi de voir s'il touche à la vérité ou pas. D'accord ? Donc un maître comme Ostiensis, il n'est jamais considéré véritablement comme une autorité. On peut l'utiliser et utiliser sa somme parce qu'il cite des autorités et éventuellement voir quel usage il en fait, mais l'usage qu'il fait, lui, des autorités, est toujours critiquable. D'accord ? Et du coup, par exemple, Hugues de Saint-Victor, de son vivant, n'est pas une autorité, mais le devient plus tard, c'est ça en fait Alors, Vincent Beauvais lui donne un statut vraiment d'autorité, mais c'est une proposition qu'il fait, et c'est le classement que propose Vincent. Il devient, disons, un maître de référence, mais très souvent, il est qualifié de maître encore. Alors, je propose qu'on aborde maintenant un autre thème, qu'on aborde la question par un autre biais, qui est celui de la matérialité du document, de l'archivage, de l'enregistrement, de la circulation. Parce que, évidemment, tous ces documents, enfin, ils existent, hein, il y a une dimension dans tous ces travaux très importante, et aussi dans le programme de concours, sur la matérialité de ces documents. Et ça, c'est quelque chose qui est sans doute très difficile à appréhender pour tous ceux qui ne sont pas médiévistes. Parce qu'un document du Moyen-Âge, ce n'est pas n'importe quel document. Donc, on va peut-être demander à Paul Bertrand d'ouvrir Merci, la discussion sur ce point complexe. C'est vrai qu'un élément qui, évidemment, est essentiel quand on parle de cette grande rupture qui semble si évidente lorsqu'on travaille sur cette période, 12e, 13e, 14e siècle, on voit alors apparaître des masses de documents et on se dit voilà, on a une surproduction documentaire extraordinaire. On a une explosion de la production documentaire, on produit beaucoup de documents. C'est vrai. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait que l'on se met à conserver ces documents, à les préserver. En fait, il faut avoir bien en tête que cette dynamique de transformation de l'écrit à cette époque n'est pas seulement une dynamique de la production, mais une dynamique de l'archivage et surtout une dynamique de la préservation. Jusqu'à là, on était dans la conservation. Là, c'est un concept que l'on peut récupérer dans le monde des archivistes. On était dans la conservation, c'est-à-dire que l'on faisait en sorte que l'on conservait le mieux possible certains documents. Et voilà que tout d'un coup, on se met à préserver des ensembles documentaires, c'est-à-dire on décide de faire en sorte que l'on n'ait plus, que ces documents ne souffrent pas de l'utilisation de l'homme, et surtout que l'on n'en ait, qu'on n'ait pas, qu'on leur donne un statut particulier, un état particulier dans lequel on va non seulement les placer dans le temps, les conserver dans le temps, mais aussi leur donner une place spéciale, une place, on va dire, presque de trésor. Le terme n'est pas trop fort, particulier dans le cadre des institutions, dans le cadre des autorités. Donc ça, c'est un élément très important. Ça se retrouve à tous les niveaux, cette volonté tout d'un coup de préserver les choses. Il faut associer à ça un autre élément qui semble déconnecté, mais qui ne l'est absolument pas, c'est cette volonté d'accumuler, de compiler et surtout d'enregistrer. On est dans la même logique. On est dans la même logique, cette volonté de conserver, de préserver une documentation, de préserver de l'écrit avant qu'il ne sorte de l'institution, et ça c'est l'enregistrement, c'est une volonté de préservation qui elle aussi autorise, et là on en revient à cet exemple extraordinaire des chirographes urbains, ces petits documents produits par des institutions urbaines qui sont, comme vous le savez, sont des contrats qui sont produits en deux parties, on les copie en deux exemplaires, et puis alors les deux exemplaires sont copiés sur la même feuille, on coupe au milieu d'une devise que l'on a rédigée, les deux parties sont donc distinctes, on en donne une à un des protagonistes et l'institution urbaine garde l'autre partie et la préserve, elle la conserve et la préserve. Et c'est cette partie préservée qui va être conservée dans un locus credibilis, un lieu qui va donner de la foi, en quelque sorte de la foi, de l'autorité, on va dire, on va croire davantage dans le document parce qu'il est conservé par l'institution dans un lieu spécifique qui va désormais être, entre guillemets, sacré, là aussi, en tout cas sacralisé, hein, faut faire attention au terme là-dessus, on n'est pas dans une sacralisation stricto sensu, mais en tout cas un espace particulier qui donne un poids au document, un poids juridique, un poids intellectuel, un poids social, un poids culturel, un poids politique. Cette documentation ainsi conservée, préservée, va encore davantage autoriser, et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, on va encore davantage autoriser l'institution, et ici en l'occurrence des micro-institutions, c'est pas pour rien que ça apparaît dans le nord de la France et dans l'espace belge, là où on a énormément de petites institutions qui tout d'un coup, des petites villes qui tout d'un coup se piquent d'importance en conservant ces masses documentaires. Donc voilà comment ça fonctionne. On pourrait également largement parler, mais j'ai déjà beaucoup parlé, donc je vais laisser mes amis embrayer là-dessus, de la question du support ou de la circulation de l'écrit, qui est très importante, également la question des écritures, mais on va revenir sur tout ça dans la discussion. Didier, sur la matérialité, la circulation des statuts. Oui, donc je vais prendre l'exemple, évidemment, pas forcément des statuts, mais de l'Italie communale, hein, donc de l'Italie communale, oui, plutôt, donc il y a quand même une partie, un espace du programme, d'Agreg. Je crois que le problème de la matérialité, il dit beaucoup sur la volonté aussi de conserver ou pas. C'est-à-dire qu'on peut considérer que le Liber Iurium, hein, à partir du début du XIIe siècle, donc cette mise en charge, cette cartularisation, hein, des documents pour les mettre, pour commencer à les mettre dans un beau document, dans un registre, et les statuts communaux sont pour le coup très souvent sur parchemin. Avec une écriture très soignée, avec parfois des enluminures, hein, voilà. Et on voit bien que ces documents-là sont faits pour être conservés. Et il y a même parfois des copies, plusieurs copies. Il y a des copies, il n'est pas rare de voir une commune qui produit et qui explique dans le préambule hein, qu'elle a produit quatre de copies de ce statut. Souvent, une copie, est, comme l'a dit Paul tout à l'heure, c'est-à-dire une copie est vraiment faite pour être préservée, hein, dans le sens où on ne va pas l'utiliser. En revanche, on aura des exemplaires de statuts, lorsqu'on les retrouve, qui sont effectivement, on voit bien, ont été très utilisés. Hein. Donc ça, c'est important. Et en revanche, tout ce qui est registre, hein, tout ce qui est registre de justice, registre de délibération communale, a priori, n'est pas fait pour être conservé, pas nécessairement en tout cas. Hein. De plus en plus, à mesure qu'on va vers le au cours du XIVe siècle, dans un premier temps, ce sont vraiment des documents de gestion, des documents de gestion courante. Hein. Et on voit bien que ces documents ont souvent, aujourd'hui, hein, sont souvent... on s'ouvre une couverture, mais qui est bien postérieure, hein, au Moyen-Âge. Hein, mais la plupart du temps, il n'y a rien. Au mieux, dans certaines grandes villes comme Bologne, on a les armes du podestat, par exemple, sur la couverture, qui est plutôt en parchemin, mais tout le reste est sur papier. Hein. Donc on voit que le support, la matérialité, est quand même très important, parce qu'elle nous dit des choses sur ce qu'on a pu faire, comment on a pu utiliser ou pas le document. Et puis un mot peut-être aussi sur la circulation, parce que c'est quand même aussi ça, très très important. Pour les statuts, on voit très bien un phénomène qui a été montré, qu'on a appelé Ortali, qui est un collègue italien, qui a parlé d'adoption statutaire. C'est-à-dire qu'on voit bien que les statuts circulent à l'intérieur d'un certain espace et on se copie les uns les autres. Hein. On se copie parfois même en recopiant des éléments locaux ou anachroniques qui peuvent ne pas avoir de valeur dans la région dans laquelle on est, pour la période dans laquelle on est, ce qui peut paraître absurde. Hein. Mais en tout cas, c'est là où ça pose aussi le problème de l'autorité. Hein. Ça fait autorité parce qu'on a recopié le statut hein, venant de la ville mère, on va dire, hein, de la ville qui domine. Et dans le... Je crois que c'est il me semble avoir vu dans le fascicule, hein, que vous avez vu sur la troisième partie du fascicule ici, on a, je crois, un schéma du fascicule d'agrégation de Paris, hein, Paris 1, Paris 4. Il y a, je crois, on a pris un graphique tiré d'un article d'Alessandro Dani, hein, qui est dans un des volumes du statut. Et lui, il a étudié 65 communes, hein, 65 statuts de communes de la République de Sienne. Et il montre combien, justement, il montre combien les statuts circulent d'une commune à l'autre. Ça, c'est très, très intéressant. De voir comment on se recopie les uns les autres. J'ai trop parlé aussi. Bien. Alors, ces questions, moi, je voulais peut-être revenir juste un petit peu en amont et vous dire vraiment en deux mots pourquoi les médiévistes se sont autant intéressés à la matérialité de l'écrit depuis un certain nombre d'années, puisque a priori, effectivement, je sais pas, quand vous avez lu certains articles de la bibliographie de l'agrégation, parfois c'est un peu pénible de lire des descriptions codicologiques ou des descriptions... de documents, surtout lorsque c'est long et détaillé. Mais l'enjeu est un enjeu qu'il faut bien saisir. En définitive, Paul et Didier l'ont dit, si effectivement les médiévistes se sont autant intéressés à ces questions de matérialité de l'écrit, c'est simplement parce qu'ils se sont rendus compte progressivement qu'un écrit n'est pas réductible à un texte. Un écrit, c'est aussi un objet qui a une histoire particulière, une forme particulière, une matérialité particulière, et que, pour reprendre les termes du GRIL, qui est le fameux groupe de recherche qui travaille sur ces questions d'écrit et d'action, l'écrit a une action particulière dans le monde social. Et cette action, en fait, elle n'est pas réductible simplement au contenu du texte, effectivement, que porte le document écrit. Et en s'intéressant donc par conséquent à la matérialité, eh bien, on a accès effectivement à la manière dont l'écrit a circulé dans le monde social, à son efficience dans le monde social, aux usages qui ont pu en être faits, qui ont finalement conduit à ce que cet écrit soit, ou cet objet écrit soit marqué, modifié, amendé, commenté, avec des notes marginales, avec des cotations. Et donc par conséquent, il y a un enjeu qui est un enjeu extrêmement important, à prendre en compte la manière dont effectivement cet écrit, cet objet écrit a une histoire particulière qu'on peut essayer de retracer, mais uniquement si effectivement on s'intéresse à sa matérialité. Puis deuxième point, pour mettre vraiment mes pieds dans les traces de Paul, puis c'est vraiment poursuivre ce qu'il a dit sur la question de l'archivage. Il me semble qu'il y a aussi un point qui est un point important, c'est Paul a bien expliqué de quelle manière, effectivement, on passait d'une logique de conservation à une logique d'archivage, et que cette logique d'archivage, elle a été autoritative, c'est-à-dire elle a finalement elle permet une institutionnalisation forte des différents groupes et expériences sociales, on pourrait dire ça comme ça si on prend des descriptions un peu sociologiques des choses. Mais ce que les médiévistes aussi ont mis en valeur, c'est le fait qu'elle est complexe, c'est-à-dire que elle répond à la fois à des logiques qui sont des logiques de compilation, donc par conséquent de réduction pour maîtriser les choses. On voit bien ce qui est central dans les opérations de cartularisation, c'est effectivement cette manière qu'on a de réduire l'écrit pour pouvoir le maîtriser, pour pouvoir effectivement lui faire dire en comprendre en tous les cas un certain nombre de choses qui échappent lorsque il est trop présent et trop proliférant. Mais il y a aussi un autre enjeu, qui est un enjeu que Paul a souligné, qui est un enjeu d'enregistrement, témoigner effectivement de l'activité d'une institution. Et là, on rejoint cette logique d'histoire sociale de l'État et d'histoire des institutions. En enregistrant une activité, on justifie finalement la position sociale qu'on occupe. On le sait aujourd'hui à l'université, il y a toute une caste de nouvelles personnes. Donc, effectivement, la seule fonction, c'est de produire des procédures. On voit bien combien il est important pour eux de conserver ce qu'ils produisent pour justifier simplement du salaire qu'ils gagnent à la fin du mois, même si on n'est pas toujours persuadé qu'il soit totalement indispensable et utile. Tout ça pour dire que ces deux opérations ne sont pas effectivement des opérations qu'il faut considérer comme étant opposées, bien au contraire. Pensez aux cartulaires de Philippe Auguste, qui sont des documents dans lesquels il y a à la fois de la compilation et de l'enregistrement la documentation. Et puis enfin, on a aussi le développement d'un certain nombre de techniques, qui sont des techniques qui sont liées à la conservation progressive de ces objets écrits, mais d'autres types d'objets également, qui rentrent dans les fameux trésors évoqués par Paul. Et ces opérations sont des opérations de mise en liste au sens large, avec la rédaction de listes, d'inventaires, de catalogues, donc d'outils qui sont finalement ce que Valérie Theiss a appelé de l'archivage au second degré, c'est-à-dire des outils qui, des écrits sur l'écrit en définitive, quand on est du côté des bibliothèques et des archives, des écrits qui permettent finalement de considérer que l'écrit n'est plus seulement là, mais il est une ressource, et donc une ressource à gérer, à administrer, à connaître, à mettre en liste pour pouvoir, bien entendu, le maîtriser, s'en servir ou l'évoquer dans un certain nombre de cas, puisque parfois on peut douter effectivement qu'il ait eu toujours un usage absolument pragmatique. Parfois, simplement, vous savez, on dit qu'on l'a dans son coffre et ça suffit pour qu'on ne soit pas embêté. Je prends ma casquette de spécialiste d'histoire des bibliothèques pour rebondir un peu sur ce qui a été dit. On retrouve le même phénomène de sacralisation d'une partie des livres, y compris dans les bibliothèques. Alors, pour prendre un exemple que je connais bien, pardonnez-moi, la Sorbonne, le collège de la Sorbonne, on assiste d'une part à la mention sur les livres qui appartiennent au collège du nom toujours du donateur. Donc c'est évidemment une manière, bien sûr, de gérer le patrimoine, à poser le nom du collège, mais c'est aussi une manière de construire l'histoire du collège en soulignant à quel point le collège a pu bénéficier de tel ou tel bienfait, de tel ou tel personnage. Mais ça va encore plus loin. C'est que le collège de la Sorbonne a un tel nombre de livres qu'il finit par constituer deux bibliothèques. Une bibliothèque qui va servir finalement de lieu de consultation, où les manuscrits seront enchaînés pour qu'on puisse les consulter n'importe quand, et puis un autre fonds qui pourra être emprunté par les membres du collège et probablement un certain nombre d'autres maîtres de l'université. Et parmi les ouvrages qui sont enchaînés au sein de la bibliothèque du collège de la Sorbonne, on a en particulier un très grand nombre de manuscrits qui ont été donnés par le fondateur, Robert de Sorbon. Donc il y a aussi une dimension mémorielle, finalement, à l'enchaînement. Il s'agit d'afficher, finalement, le trésor ou l'antiquité de cette bibliothèque. Et ça va même encore plus loin, un certain nombre de maîtres demandent en envoyant leurs œuvres au collège à ce que leur œuvre soit directement enchaînée. De cette manière, ça donne bien sûr à leur ouvrage un statut de référence, d'œuvre de référence. Donc là, on est à la fois dans l'enregistrement et aussi dans la dimension de trésor hein, que peut receler une bibliothèque. Donc il y a une sacralisation, là aussi, du document enchaîné, du manuscrit enchaîné. Et puis, alors, pour rebondir là aussi sur la matérialité, évidemment, du point de vue codicologique, il est bien sûr, même si c'est très ennuyeux, évidemment, quand on ne connaît pas trop, absolument nécessaire de décrire très précisément un manuscrit. Alors, peut-être sa mise en page, mais on va peut-être rebondir sur ces questions-là, qui illustre justement l'usage qui a pu être fait de tel ou tel manuscrit et qui permet surtout de saisir très souvent la circulation d'un document et le travail dont il a pu faire l'objet. On assiste, par exemple, pour tous les manuscrits qu'on pourrait qualifier d'universitaires, en tout cas tous ceux qui ont un statut de manuel, hein, à un travail qui est fait sur le texte. Donc il y a une sorte de feuilletage, finalement, des annotations en fonction des lecteurs, en fonction de l'usage qu'on souhaite faire du manuel. Ça peut être simplement l'appropriation intellectuelle d'un texte, ça peut être aussi un usage beaucoup plus pragmatique. Hein. On garde, par exemple, son décret gratien quand on est official pour pouvoir éventuellement régler un certain nombre de difficultés juridiques. Donc là, on est vraiment dans l'usage pratique, finalement, d'un manuscrit d'origine universitaire. Et dans la même ligne, pour le manuscrit toujours, je sors un peu là de mon terrain, parce que je vais sur le terrain d'un de mes docteurs, Antoine Brix, qui a montré que les exemplaires des grandes chroniques de France qui sont utilisées par des juristes, justement, on revient encore sur ces spécialistes dont on parlait tout à l'heure, les orfèvres du droit, dont parlait Pierre tout à l'heure, ces exemplaires des grandes chroniques de France qu'ils ont chez eux, dont ils disposent, ils les annotent et ils les utilisent non pas comme des œuvres, entre des ouvrages d'histoire, mais comme dans des recueils d'informations pour pouvoir construire leur propre travail de juriste. Et donc là, on voit qu'ils aménagent leurs copies en fonction de ça. Donc voilà, on est, en fait, c'est là que tout se retrouve, tout se recoupe. Hein. Les deux mondes sont très imbriqués, c'est quelque chose qui est très important. Les deux mondes, bibliothèque, on l'a déjà dit, hein, bibliothèque et archives, manuscrits d'archives, manuscrits bibliothèque sont complètement liés. On pourrait prendre des paris pour savoir lequel des ouvrages finira enchaîné dans la bibliothèque de la Sorbonne. Donc, des questions sur ces problèmes parfois un peu ardus de matérialité. Oui ? Comment expliquer cette dynamique archivistique sans passer par un modèle téléologique ? Bonne question. Moi, si j'avais à rendre compte de cette dynamique, d'abord dire que le Moyen-Âge central n'invente pas le rapport entre la conservation des écrits et... le pouvoir, enfin, je veux dire, il y a quelque chose qui est, bien entendu, très ancien et qui est dans l'étymologie même de la notion d'archive. Je pense qu'en fait, ce qui se produit au Moyen-Âge central et qui est, me semble-t-il, extrêmement important, mais ça anticipe un peu le thème suivant, c'est le fait que l'écrit se trouve... jouer un rôle qui est un rôle de plus en plus important dans la formation des communautés et des corps politiques. Et ça me paraît être un élément qui est un élément central. Dans le fond, j'ai dans un premier temps travaillé plutôt sur les écrits ecclésiastiques et en particulier sur le monde monastique. On voit bien effectivement combien on peut repérer dès le Haut Moyen-Âge logiques qui sont des logiques de conservation documentaire qui ont effectivement une valeur qui est une valeur mémorielle et on pourrait dire formative pour les communautés monastiques. Ce qui est véritablement très important dans ce basculement des 12e-13e siècles, c'est le fait que dans l'essor du monde urbain, et bien précisément, la documentation et l'écrit se met à jouer un rôle qui est un rôle central dans la formation des communautés. La fois, si on regarde du point de vue du droit, bon, ça a été dit, hein, les statuts, c'est certainement l'expression la plus pure, on pourrait dire, de cette présence du droit, du fait qu'effectivement, ces communautés urbaines sont des communautés de droit. Mais on pourrait convoquer aussi l'écriture historiographique, hein, et effectivement montrer de quelle manière ce qui est central, c'est aussi le fait de posséder une mémoire commune, hein, qui est véhiculée par un certain nombre de textes. Et par conséquent, on voit bien de quelle manière la présence de la documentation et le développement de techniques d'archivage, eh bien, joue un rôle qui est un rôle central, à la fois si on se situe dans une logique qui est une logique plus institutionnelle, mais aussi si on se situe pleinement dans une histoire sociale. C'est-à-dire que finalement, ce qui constitue ces communautés, en dernier ressort, c'est qu'elles ont des textes en commun auxquels elles se réfèrent, qui sont des textes à la fois dans le domaine du droit, mais également dans le domaine qui circonscrivent en définitive une mémoire qui est une mémoire commune. Alors attention, qui n'est pas autonome, homogène, on est dans des formes, c'est des formes extrêmement hybrides, hein, du point de vue du droit comme du point de vue de la mémoire. Et donc on voit bien de quelle manière l'archivage de la documentation joue un rôle qui est un rôle tout à fait central pour ces communautés et pour les institutions qui émanent de ces différentes communautés. Moi, je pense que votre question m'a désarçonné un peu comme tout le monde, mais en particulier parce que j'étais le nez sur mes documents, sur les documents, mais je pense qu'il faut prendre du recul. Comme l'a fait Pierre ici, il faut prendre le recul, un recul très important. En fait, le point très fort de la question est en même temps son talon d'Achille, c'est-à-dire qu'on est le nez sur la documentation. Il faut revenir à une histoire sociale, économique, politique, juridique, culturelle. C'est très important. Il ne faut surtout pas s'accrocher sur justement une vision purement technocratique, technocentriste du document. Pour aller dans le même sens, dans la même ligne que Pierre, ce qui se passe, ce qui se joue au XIIe, XIIIe siècle et qui commence à se jouer un tout petit peu plus tôt, c'est une transformation urbaine, forte, c'est évident, c'est essentiel. C'est une transformation économique très forte également. La reconstruction du paysage économique, et notamment, on pense au morcellement, à la fin de la distribution traditionnelle des ressources et à la construction du grand paysage de la rente, ça change radicalement les choses. Ça veut dire que désormais, vous vous trouvez face à un paysage économique dont on n'a pas la moindre idée, même à l'heure actuelle, qui est extrêmement complexe et qu'il faut gérer. Et cette gestion nécessite des outils. Et c'est là qu'on découvre l'écrit, entre guillemets. On le connaît, il est déjà autorisé. Mais là, tout d'un coup, on le découvre de manière nécessaire. Et il se réautorise encore davantage. Et il devient de plus en plus essentiel parce qu'on en a besoin. Et là, tout d'un coup, cet écrit, qui jusque-là était, on va dire, un support, devient une nécessité. Et alors là, oui, tout vient en même temps. Tout vient en même temps. La production et nécessairement la conservation et l'archivage. Donc c'est un ensemble, mais ça s'explique par l'extérieur. Ça ne vient pas, ça ne sort pas d'une simple émulation technique. Je pense qu'on pourrait juste ajouter un tout petit point, c'est le fait que quand on parle d'archives, Paul l'a dit également, ben il faudrait dissocier en fait les archives au Moyen-Âge. Ça recoupe une réalité topographique extrêmement variable dans les espaces urbains. Et je pense qu'il faut, vraiment l'aborder du point de vue de la multiplicité. Parce qu'en fait, sinon, on a trop tendance à aligner effectivement les archives sur quelque chose qui serait une interprétation fonctionnelle et qui irait tout dans le même sens. Mais les médiévaux eux-mêmes distinguent ce qu'ils appellent des trésors, par exemple, qu'on va trouver à Douai, et puis ce qui va être archivé dans les bureaux, avec, j'ai envie de dire, presque une durée d'utilité administrative, comme on dit aujourd'hui, qui n'est pas la même. Hein, donc on a véritablement l'apparition finalement d'une technicisation aussi de la gestion d'écrit qu'on a déjà décrite, mais qui doit nous amener, nous prémunir contre le fait de trop envisager les choses de manière monolithique. Hein. Et cet écrit, il est présent en différents points de la ville, et y compris les archives sont, encore une fois, présentes en différents lieux. Et ce qui est, doit être, à mon avis, privilégié par les historiens, c'est l'étude non pas simplement d'un lieu particulier, mais du réseau que constituent ces différents lieux et de la manière dont, effectivement, on a dans la ville des polarités qui, avec la présence d'un écrit conservé, qui, finalement, sont reliées entre elles et permettent le fonctionnement de ces systèmes de gouvernement et d'administration. Une autre question sur ce thème de la matérialité, de la conservation, de la circulation. Oui. Peut-être simplement cette histoire de transformation économique que je ne maîtrise pas du tout. Est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez l'expliquer? D'accord. On est face à partir du XIIe, XIIIe siècle à une transformation de la structure des revenus et des biens. On passe à un morcellement des biens, mais pas tellement des biens que l'on va se répartir et d'un faire-valoir direct. Hein, on passe de ce système de faire-valoir direct qui était relativement traditionnel à la prise de conscience de la nécessité, de l'importance, de l'utilité de l'arrentement, de l'assancement, de l'arrentement des biens, et donc de la possibilité pour à la fois les institutions religieuses, mais aussi pour pas mal de laïcs, et de plus en plus de laïcs, de la gestion d'un ensemble de rentes qui vont vous permettre ainsi de disposer d'un capital qui va ainsi s'accroître et qui va vous permettre de garantir une stabilité de revenus. L'élément de stabilité est très important. Et c'est la grande particularité de la rente. C'est pas tellement le fait que ce soit un revenu sur un bien, et un revenu éventuellement que l'on pourrait revendre, redissocier, réorganiser, redécouper, mais c'est surtout que c'est un revenu qui est censé être stable et fixe, et on va dire presque éternel. Dans un premier temps, en tout cas, il est perpétuel. C'est un élément qui est vraiment essentiel, et ça, le fait, l'apparition de ces rentes, enfin, elles existent depuis déjà bien longtemps, depuis déjà le Moyen-Âge, on en est déjà largement au Moyen-Âge, mais là, tout d'un coup, elles se morcellent. Elles deviennent de plus en plus réduites, et on a une véritable économie de la rente qui se met en place, une économie très complexe, très diffuse, très complexe à comprendre, parce que la documentation elle-même est basée sur une législation locale qui est très particulière, aussi bien dans les termes que dans l'organisation. Donc, ça explique évidemment la nécessité de mettre très vite par écrit et à la fois les grandes structures juridiques autour de ça. Et là, ce sont les traités juridiques qui vont apparaître dans les villes pour expliquer comment ça fonctionne. Ce sont les favelas, pour parler liégeois. Ce sont les registres qui vont apparaître ici ou là, les libri iurium qui vont apparaître ici ou là. Donc là, on a la construction d'outils pour comprendre ça. Et puis, alors, à côté de ça, les outils de gestion, aussi bien au niveau individuel, laïque, qu'au niveau institutionnel, pour aider à la fois à suivre toutes ces rentes, pour éviter de les perdre, parce que le grand drame, évidemment, ce serait de perdre des rentes, de ne plus savoir où elles sont, qui vous les doit, comment on vous les doit. Il ne faut pas oublier qu'une rente bouge énormément. Hein. On peut avoir une rente qui est vendue, coupée en morceaux, et si vous êtes à un point ou l'autre de... vous n'êtes pas censé nécessairement savoir qui a vendu cette rente, à qui, quand, comment. Donc là, il faut suivre l'évolution de ce marché de la rente. Pour ça, l'écrit, c'est l'élément essentiel. Voilà, je schématise très, très, très fort, hein, mais c'est en effet un élément essentiel de cette grande mutation. Alors, il y en a d'autres, évidemment. Il y en a d'autres, mais c'est en est un. Oui, je voulais juste ajouter, c'est un élément essentiel. Paul l'a dit, mais... Il y a quand même en tête qu'une des grandes innovations de cette période-là, c'est la diffusion extrêmement profonde dans le monde social des techniques comptables. Et, oui. ça ressaisit plein de choses qu'on a dites auparavant. Hein. Ce qu'on a dit sur la connexion du monde savant avec le monde de l'écriture pragmatique, cette connexion, elle se fait aussi très fortement du côté de cette grande matrice, on va dire, seigneuriale et comptable. Mmh. En particulier, de ce point de vue-là, l'Angleterre est un lieu extrêmement intéressant où on voit bien comment on a des personnages qui appartiennent à la fois au milieu de la mathématique, au collège de Merton, qui en même temps écrivent des traités d'husbandry qui expliquent comment gérer des domaines et qui en même temps sont eux-mêmes gestionnaires de grands domaines ecclésiastiques. Donc on a là effectivement un élément qui est un élément très, très important, et ces questions qui sont des questions d'histoire économique, d'une histoire économique qui de plus en plus intègre les apports de l'histoire de l'écrit, c'est tout à fait central dans le programme, et je pense qu'on peut aussi considérer que le programme met ce 12e, 14e siècle, c'est finalement le moment de la transformation progressive de savoirs qui sont des savoirs du dénombrement, qui sont fortement présents dans les sociétés du haut Moyen-Âge, vers des savoirs qui sont des savoirs à proprement parler comptables. Et ce n'est pas une petite chose, puisque en fait, ces savoirs comptables, ce sont aussi des savoirs qui sont des savoirs de contrôle social, rendre des comptes, hein, rendre des comptes. Mais ce sont aussi des savoirs qui sont des savoirs qui, finalement, donnent un cadre à des formes de transactions sociales. Hein. On voit bien comment, alors par exemple, les communes italiennes, il y a des très beaux dossiers, mais il y a des dossiers dans d'autres zones géographiques, combien, par exemple, les débats fiscaux dans les communes sont des débats qui portent sur la ratio de l'impôt, savoir effectivement combien on doit prélever, hein, des questions de quantité. Donc ces questions de quantité, ce n'est pas simplement compter des épis de blé et des bœufs dans une comptabilité manoriale ou que sais-je, c'est aussi la manière dont le monde social se transforme autour de questions qui sont des questions politiques, mais qui prennent la forme effectivement de rapports de quantité. Et ça, véritablement, le 13e, 14e siècle est un point de bascule tout à fait intéressant, en particulier autour de ce qui fait le cœur des débats, c'est-à-dire des questions de savoir qui paye pourquoi dans le domaine fiscal. Associé à ça, et donc absolument, hein, je suis à 100% dans ta ligne, associé à ça, les espaces ont changé. Donc là, on est devant des espaces qui ont changé radicalement, des mouvements de population beaucoup plus importants, de la ville à la campagne, de la campagne à la ville, mais également bien au-delà. On est sorti des petits cercles géographiques concentriques autour des villes, des villages. Là, on a le mouvement des marchands, évidemment, le mouvement du commerce. Tu parlais de l'Angleterre tout à l'heure, évidemment, ou l'Angleterre, la Flandre, le grand commerce. Tout ça joue un rôle fondamental dans à la fois la diffusion de techniques et la nécessité de techniques. Quelle technique? Ben, la technique comptable, évidemment, parce que c'est la seule solution pour pouvoir arriver à gérer des masses, tout simplement. On est dans une période de massification forte. C'est assez net. Bon, si on regarde, je pense évidemment à la thèse de Valérie Tess qui a été citée, mais si on regarde comment ça se passe dans le comptable vénécin et comment ça se passe au niveau de la papauté, on voit bien que cette nécessité de gérer des espaces de plus en plus importants, de gérer aussi les... toutes les taxes, etc., qui se développent à partir de la papauté avignonnaise et un peu avant. Enfin, et là, le règne de Jean XXII, évidemment, est central dans cette nouvelle comptabilité qui est produite par la papauté. Et on voit bien que ça répond bien à un souci de gestion, évidemment. D'où le fait que se mettent en place, et ça, c'est quand même important de le dire, parce que pendant très longtemps, c'était pas comme ça que les choses étaient décrites par les historiens, se mettent en place toute une série d'éléments liés à l'écrit qui permettent de l'administration et du gouvernement à distance. Et par conséquent, ce qui est considéré comme étant une rupture dans l'histoire du monde, que sont ces grandes découvertes du début de l'époque moderne, c'est aussi d'une certaine manière l'achèvement d'un mouvement qui commence je sais pas, on peut le faire commencer au 12e, mais on pourrait discuter et le faire commencer avant, mais un mouvement qui commence bien avant et qui est donc un mouvement par lequel se crée un certain nombre de savoirs et de savoir-faire qui, en fait, permettent le développement de systèmes de pouvoir, qui sont des systèmes de pouvoir qui gèrent, contrôlent la distance et sont en capacité de le faire. Et bien entendu, ça ne s'est pas inventé du jour au lendemain avec la traversée de l'Atlantique en bateau. C'est la matrice, effectivement, de ces systèmes qu'on peut appeler étatiques, si on veut. C'est ce qui est au cœur, en fait, de votre programme d'agrégation, c'est-à-dire ce qui se produit en Occident à l'échelle locale, Paul l'a rappelé, hein, ce qui se produit en Occident à partir donc d'une séquence chronologique qu'on peut faire commencer au XIIe siècle si on veut absolument fixer des bornes. Moi, je vais pas faire une critique du libellé du sujet de la grecque, mais de la question de la grecque, mais société, j'aurais bien mis un S, mais bon. On met un S à pouvoir, on voit bien pourquoi on met un S à pouvoir, enfin, c'est bien expliqué dans la lettre de cadrage, on l'a bien compris. J'aurais bien volontiers mis un S aussi à la société, peut-être pour le mettre au même niveau que écrit et pouvoir, hein. Il n'y a pas de raison. On discutera avec les concepteurs du sujet. C'est pas très... À moins de considérer qu'il n'y a qu'une société entre le 12e et 14e siècle, la société chrétienne. Voilà, bon. Mais je pense qu'elle est beaucoup plus diverse que ça. En tout cas, l'aspect social, il est évidemment fondamental. On a commencé à en parler. On est parti peut-être plus sur du pouvoir que sur de la société. Et c'est vrai que comment finalement, alors pour l'exemple des statuts ou d'autres documents, mais les statuts, c'était intéressant aussi de montrer comment finalement on utilise les statuts au quotidien. Et ça nous permettait effectivement dans cette logique-là de revenir aux questions initiales qu'on s'était posées dans le programme, c'est-à-dire une source plutôt de la pratique que de la norme. Hein, et ces statuts ont vraiment été utilisés. J'ai pensé effectivement aux manuscrits qui est à la catena, hein, qui est à la chaîne, qui est pour le coup aussi enchaîné. Hein. Mais celui-là, je ne sais pas s'il est sacralisé, il est sacralisé d'une certaine manière. On n'a pas envie qu'on le vole, mais en tout cas, il est aussi ouvert au public. Hein, puisque s'il est mis là devant le palais communal ou devant l'église, c'est pour que chaque citoyen de la commune puisse l'utiliser. L'utiliser, ça veut dire le lire. Et quand je dis le lire, je pense qu'il faut penser effectivement que dans cette société médiévale, 12e, 14e siècle, on peut utiliser de l'écrit sans savoir écrire. Hein, c'est pas, il faut penser à ça. Évidemment, ceux qui utilisent l'écrit, évidemment, ce sont les gouvernants, ceux qui gouvernent. Eux, ils l'utilisent abondamment, ces écrits, ils font référence, etc. Mais les gens normaux, on va dire, communs, les vrais gens, utilisent aussi ces statuts. Par exemple, il n'est pas rare dans un procès de voir quelqu'un arriver avec un rescrit, hein, pour faire arrêter un procès, d'arriver avec, le procès prend une autre dimension. On voit aussi des gens dans les procès arriver avec des instrumentum pacis, hein, c'est-à-dire un instrument qui permet de faire la paix et d'arrêter le procès. Tout ça, ils utilisent l'écrit, mais ils ne savent pas forcément écrire. Hein, mais ils utilisent de l'écrit. Donc je pense que la notion d'écrit, hein, dans le sujet, elle doit être aussi, il me semble, on doit essayer aussi d'un peu de partir, enfin de regarder ce qui se passe en bas, hein, et pas seulement au niveau des élites. Et je pense que toute la société utilise l'écrit. Moi, je vais travailler sur un procès où on voyait bien que les gens connaissaient parfaitement, hein, dans les arguments qu'ils témoignaient dans un procès, et ils utilisaient des arguments qui étaient exactement les arguments qu'on trouvait dans les statuts communaux. Hein, et ils les connaissaient parfaitement, ces arguments. Hein, il s'agissait de prouver l'âge d'un enfant, s'il était moins de 10 ans, plus de 10 ans, si l'accident avait eu lieu dans le jeu de la Bataglia, c'était un jeu de pierre, ou pas, etc. Donc il fallait vraiment, et il connaissait parfaitement ces arguments. Donc voilà, je crois que c'est ça qui est important pour moi, c'est d'essayer de prendre la notion de société au sens large, peut-être au sens pluriel, à la fois dans ce qu'elle a de pas forcément chrétienne, mais aussi à tous les niveaux de la société. Je pense que le sujet doit être envisagé, à mon avis, comme ça aussi. Bien que on ait tendance, et c'est normal avec le terme de pouvoir, peut-être à l'orienter plus vers les élites. Alors que je pense qu'il me semble qu'une des dimensions, c'est aussi de voir comment la population, les gens, ont utilisé cet écrit. Ces questions de valeur, en fait, moi je ne vais pas du tout vous donner les éléments qui vont vous servir pour l'agrégation, mais les éléments que je voudrais quand même vous donner. Moi, je pense que déjà, il y a un premier élément qui est un élément important dans la réflexion finalement, qui s'est engagé depuis maintenant une vingtaine, trentaine d'années sur ces questions d'histoire de l'écrit pour les médiévistes, c'est le fait que finalement débute, alors on pourrait fixer encore une fois le début à différents moments, mais en tous les cas débute, on va dire au Moyen-Âge central, un mouvement qui est un mouvement finalement de présence de l'écrit dans le monde social qui ne reflue pas jusqu'à l'époque contemporaine. Et donc on a là, moi je pense, un premier élément important qui est marqueur effectivement de ce qu'on pourra appeler une transformation de la valeur de l'écrit. C'est-à-dire qu'on vit effectivement depuis le XIIe siècle dans des sociétés dans lesquelles l'écrit tient une place centrale dans les formes d'échanges, de transactions économiques, sociales, juridiques, etc. On ne va pas faire une liste à l'après-vert, ça ne servirait pas à grand-chose. Et ce qui est finalement lié fortement à ce premier constat, c'est le fait que la manière même dont les groupes sociaux se constituent, est fortement lié à la présence de l'écrit. On l'a dit, les statuts urbains, ce qui fait l'identité, je déteste ce mot, mais enfin, ce qui fait effectivement l'identité d'une ville, ou du moins ce qui donne un cadre à la vie communautaire et politique à l'intérieur d'une ville, ce sont un certain nombre de textes qui sont des textes que les personnes partagent, et ça rejoint la notion de communauté textuelle qui a été évoquée par Claire, qui renvoie au départ à une notion qui est une notion liée à des groupes hérétiques, à une transformation décrite par Brian Stock du rapport à l'autorité, on va dire, dans un monde qui est véritablement celui du XIe siècle. Mais on peut utiliser, je semble-t-il, cette notion et l'étendre effectivement jusqu'aux communautés urbaines du Moyen-Âge, et j'ai même envie de dire jusqu'aux nations de l'époque moderne et contemporaine. Dans le fond, ce qui constitue la nation, au moins au sens français du terme, c'est aussi le fait qu'on partage un certain nombre de textes qui sont des textes qu'on a en commun. Donc ça me paraît être un élément qui est un élément tout à fait central. Et Didier a raison de dire que à l'intérieur pour le Moyen-Âge, en tout cas, revenons sur le Moyen-Âge, à l'intérieur du monde social, ce rapport à l'écrit, il est à la fois partagé, c'est-à-dire que finalement, au Moyen-Âge, à partir du XIIe, XIIIe siècle, toute personne a un rapport, effectivement, avec l'écrit, mais il n'est pas, ce rapport n'est pas assimilable à celui des sociétés pour lesquelles l'alphabétisation est une norme, c'est-à-dire en gros des sociétés post-19e siècle. Et Jean-Philippe Jeunet a tout à fait raison d'insister sur le fait que ce qui est central dans ces siècles du 12e, 13e siècle, c'est le basculement de l'Europe vers des sociétés de littératie restreinte, c'est-à-dire des sociétés dans lesquelles tout le monde ne sait pas lire et écrire, mais tout le monde sait ce qu'est le pouvoir de la lecture et de l'écriture. Et donc, effectivement, on peut aborder ces sociétés qu'on peut effectivement mettre au pluriel, ces sociétés du Moyen-Âge, comme effectivement fortement liées à l'écrit. L'écrit a donc une valeur qu'on pourrait quasi qualifier d'universelle à l'intérieur du monde social, mais effectivement qui est fortement stratifiée par le fait que les compétences et le rapport à l'écriture des différents groupes sociaux est un rapport qui est particulier et qui n'est pas universel, comparable, identique, homogène, etc. Et là, vous avez, je pense, dans les cours que vous suivez, beaucoup d'exemples qui doivent effectivement vous venir en tête. Mais c'est vrai, effectivement, quand on descend l'échelle sociale, les médiévistes ont beaucoup travaillé sur ce qu'est recevoir, enfin, les épigraphistes en particulier, ce qu'est recevoir partiellement un message écrit quand on n'est pas complètement lettré, quand on est semi-lettré. Mais on peut aussi remonter l'échelle sociale, je trouve, et se poser la question de ce basculement extrêmement intéressant qui se produit au XIVe siècle, qui est ce basculement d'un monde dans lequel la domination sociale passe par une certaine forme de maîtrise et d'affichage culturel. Posséder une bibliothèque, acheter des livres, lire, avoir un rapport. Enfin, je veux dire, sans faire injure à l'aristocratie du haut Moyen-Âge, pour une part d'ailleurs, certains avaient un rapport. Il y en a qui avaient des livres. On est d'accord, c'est exactement ce que j'allais dire. Un certain nombre de laïcs avaient des livres, effectivement, voilà, ne comparons pas, ne versons pas ma voisine de droite, mais disons le milieu de la chevalerie du XIe siècle, on voit bien qu'effectivement, on a une connexion extrêmement forte qui se produit entre des formes de domination sociale, qui sont celles qu'on a évoquées au départ, les formes d'autorité, hein, y compris des grandes autorités, la papauté d'Avignon, la librairie de Charles V, etc. Mais aussi, pensez-y, ce monde qui est le monde des dominants, hein, qu'ils soient du côté de l'aristocratie ou du côté... des personnes enrichies par le commerce, en particulier dans les villes, qui entretiennent un rapport qui est un rapport avec des formes, effectivement, qui sont des formes d'écriture et également des formes de production artistique qui sont non pas de l'écriture, mais aussi des objets qui sont des objets d'art. Et on voit bien comment on a effectivement, de ce point de vue-là, une transformation de la valeur de l'écrit devenant effectivement un élément tout à fait important dans la manière dont ces sociétés fonctionnent, se pensent et produisent ou gèrent les conflits, les transactions, etc. Un aspect important aussi, en écoutant Pierre, je pense à ça, un aspect important, c'est le rapport entre l'oral et l'écrit. C'est-à-dire qu'on, dans une société où des gens viennent parler, sachant qu'on va les mettre par écrit, d'une certaine manière. Qu'est-ce que ça change de leur manière dont ils se pensent, eux, hein, quand ils pensent leur identité? Évidemment, je pense au procès de canonisation, mais je pense aussi au procès, quand on est obligé, l'administration vous demande votre nom, votre deuxième nom, votre nom d'usage, qui n'est pas souvent le même, etc., etc., où vous habitez, enfin, vous questionne de manière très précise. Tout ce qu'on dit va être mis par écrit, va être lu, même si nous, on ne peut pas le lire, parce qu'on ne sait pas lire. Mais tout ça, en retour, si vous voulez, a des incidences sur la manière dont les gens, les personnes se pensent et pensent leur identité. Donc je pense qu'il faut aussi penser la question, à mon avis, comme ça, comment tout ce... Toute cette révolution documentaire, tous ces gonflements de l'écrit administratif, etc., a pu avoir des incidences sur la manière dont les gens ont vécu et se sont pensés. Peut-être une question ou deux sur cet aspect de la transformation de la valeur sociale, valorisation de l'écrit, oui. On a quelques traces à un niveau de la bourgeoisie où on a mais tardif là aussi, 14e siècle, pas avant. Voilà, et là on a des choses, mais ça reste encore relativement limité. On a clairement ici ou là des choses qui existent. Quelqu'un comme, pour prendre quelqu'un que je connais un peu, Thierry d'Hirson, qui au départ n'est pas un universitaire, quelqu'un qui vient de la base, on va dire, c'est un parvenu, qui s'est hissé à un certain niveau, possède une série d'ouvrages, une série de livres. Alors maintenant, la question, c'est est-ce qu'il les possède? Est-ce qu'il les lit? Ou bien, est-ce que, comme on l'a dit, est-ce que simplement c'est une façon d'exposer son statut social? C'est autre chose. Pour ce qui concerne la bibliothèque royale, mais on est là dans la haute aristocratie, il y a probablement une partie de la famille royale a accès, bien sûr, à la bibliothèque du roi, puisque Charles V prête de manière assez libérale une partie des ouvrages qu'il a. C'est d'ailleurs pour ça, probablement, qu'a été dressé un des catalogues de cette bibliothèque royale. Mais là, on n'est pas dans les couches, disons, inférieures ou même moyennes de la société médiévale. Quel est l'accès à l'écrit de, admettons, des femmes, par exemple, c'est compliqué de le savoir. C'est-à-dire que la possession, effectivement, de manuscrits manifeste un certain statut social, c'est certain. Peut-être ensuite se faisait-elle lire, par exemple, les livres. Donc c'est un usage, finalement, comme un autre de l'écrit. Voilà. Et en même temps, la sœur de Thierry Lhirson tient les comptabilités, tient des comptabilités pour son frère. Et les compter, c'est pas rien. C'est toute la catégorie de ce que Petrucci a appelé les alphabétis libéris, c'est-à-dire des personnes qui lisent effectivement pour leur plaisir. Ce qu'on voit bien apparaître en Italie, c'est quand même un marché du livre au XIVe siècle et un marché du livre à destination de ces groupes. Alors après, est-ce qu'il s'agit d'avoir des bolides dans sa bibliothèque? D'une manière générale, cette question de lire pour et écrire pour, c'est aussi une question importante. On ne l'a pas mentionné dans les formes de société de littératie restreinte, mais ayez quand même en tête qu'on est dans des sociétés dans lesquelles, et d'une certaine manière, c'est vrai jusqu'au XIXe siècle, des sociétés dans lesquelles l'écrit passe par des formes communes de délégation d'écriture ou de délégation de lecture. C'est-à-dire que on n'a pas forcément un rapport qui est un rapport. On peut avoir un rapport à l'écriture et à la lecture qui ne nécessite pas forcément de maîtriser pleinement, techniquement, la lecture et l'écriture. Ouais, hein. Et ça, c'est un point qui est un point extrêmement important. Ouais, C'est tout à fait important parce qu'on n'a pas parlé ici de l'écriture en tant que telle, donc de la capacité d'écrire. Or, ça, c'est essentiel. On est fasciné quand on passe en vue les manuscrits médiévaux par ce qui semble être des écritures entre guillemets ordinaires, vraiment ordinaires celles-là, mais qui en fait ne le sont pas. Mais qui en fait sont des écritures très cursives, c'est vrai, mais structurées. Donc là, on a affaire à toute une série de personnes qui sont à un niveau, qui ne sont pas au niveau universitaire, qui sont au niveau des scribes, des scripteurs sortis des petites écoles, qui sont capables d'écrire pour d'autres. Lorsqu'on a les traces d'écriture faites par des non-écrivants ou des semi-littérati ou des semi-littérati, on a clairement une forme d'écriture en bâtonnet un peu, telle qu'on peut la trouver ici ou là dans des pages de garde ou dans des marges. Et là, on les voit à l'œuvre. On voit que, de fait, il y a une capacité d'écriture qui est déléguée. Il y a une volonté d'écrire, de déléguer en quelque sorte les fonctions d'écriture de manière très large. Quand je présente un déménageur qui a, au XIVe siècle, à mi-XIVe siècle, met en place un devis pour un déménagement pour la ville de Saint-Denis, clairement, c'est pas lui qui l'a écrit. C'est évidemment pas lui qui l'a écrit. C'était pas possible, matériellement. Ou alors, c'est qu'il a eu une formation totalement inusitée. Mais même du point de vue de ceux qui sont extrêmement lettrés, qui ont fréquenté les universités, on le voit en particulier dans les cédules de vote de la soustraction d'obédience. Donc à la fin du XIVe siècle, on demande, disons, à l'élite ecclésiastique du Royaume de France de se prononcer pour ou contre la soustraction d'obéissance au pape Benoît XIII. Et donc, les votants sont des ecclésiastiques, et une grande partie d'entre eux a fréquenté l'université, a reçu une formation intellectuelle, et les écritures sont extrêmement variées. Alors, certains d'entre eux, clairement, ont fait appel à un scribe professionnel qui a enregistré, finalement, leur opinion. Et donc, l'écriture, là, est très lisible. Et d'autres ont écrit, donc c'est des bulletins autographes, hein, leur opinion, et on voit bien qu'ils sont plus ou moins lisibles. Tous savent bien sûr écrire, hein, on a affaire à l'élite religieuse du Royaume de France, mais la maîtrise même et la lisibilité de l'écriture peut être très différente. Avec sans doute une différence, parce que la lettre de Cabrage aussi autorise à penser le genre, hein, donc une différence sans doute importante quand on tient compte de l'écrit et de la lecture, c'est deux choses très différentes, une différence de genre quand même relativement importante. C'est évident que les femmes peuvent avoir accès à la lecture, mais pas forcément à l'écriture. Il y a un décalage peut-être plus important, a priori, que pour les hommes. Je pense toujours évidemment à ces lettres de Margherita Datini, hein, la femme de Datini, le marchand. Et on voit bien, on a c'est évidemment, ça n'a rien à voir. Enfin, quand on compare l'écriture de son mari, on voit bien l'habitude qu'il a d'écrire. Elle écrit, hein, elle écrit quelques lettres, elle en délègue beaucoup, elle se fait écrire beaucoup, beaucoup de lettres aussi, mais elle en écrit, et quand elle en écrit, c'est un intérêt à être très bon paléographe, hein, parce que c'est très, très dur à lire. Voilà, on voit bien une différence d'habitude, hein, quelqu'un qui a l'habitude d'écrire, quelqu'un qui sait écrire, mais qui finalement le fait assez peu souvent. Et juste une dernière chose, j'y pense sur l'accès à différents groupes sociaux à l'écrit. On peut aussi se tourner vers les prologues d'un certain nombre d'œuvres. Ouais. Et si on regarde, par exemple, le prologue du Devisement du monde de Marco Polo, il ne s'adresse pas qu'aux grands seigneurs, il s'adresse aussi aux bourgeois, il le dit explicitement. Donc, une catégorie sociale, disons, un peu plus modeste, moyenne, a accès d'une manière, enfin, en tout cas, est visée aussi par le récit de Marco Polo. Une dernière question. Ah, maintenant, il y a plein de questions. Voilà, on a fait le temps. Oui, madame. Concernant l'accès au texte et la diffusion de l'écrit, est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur le processus de vernacularisation? Ah, voilà. Vaste question. Alors, le processus de vernacularisation, il est... En tout cas, pour le domaine des documents, des documents, on va dire, de la pratique, il est très variable, évidemment. Il se met en place... alors, si on se situe, par exemple, du côté du nord de la France et de l'espace belge, par hasard, je connais un peu. Clairement, là, les choses se mettent en place de manière très différenciée. On a, dès 1240, 1250, on a une volonté naturel de passer à une vernacularisation de la plupart de la documentation au niveau laïque. Au niveau ecclésiastique, il faut attendre 20 ou 30 ans de décalage. Ça ne veut pas dire que le vernaculaire n'a pas déjà prise au niveau ecclésiastique. C'est simplement une question d'organisation. La vernacularisation est plus tardive du côté des comptabilités, du côté des registres de comptables, ce qui est intéressant d'ailleurs en tant que tel. Non, tout à fait, parce que là, probablement, parce que derrière, il y a une technicité. Parce que derrière, il y a des techniciens, des spécialistes qui ont évidemment appris à compter d'une certaine façon. Et avec du latin. Et donc là, on a une tardiveté dans la vernacularisation des écrits au niveau les plus bas, entre guillemets, au niveau en tout cas des documents d'administration et de gestion, ceux qui ne sont pas destinés à être gérés, à être gardés nécessairement d'ailleurs. C'est ça qui est paradoxal. Et il faut penser aussi, c'est peut-être plus complexe que ça, parce que parfois on a un texte qui est en latin, mais aussi avec l'intrusion de vernaculaire. Ah, bien sûr. Hein, je pense au texte, pour revenir sur les procès par exemple, ces registres de justice, où quand les gens se parlent, le notaire laisse la parole en vulgaire. Quand il s'insulte, il laisse la parole en vulgaire. De la même manière que quand dans un texte latin, il y a une supplique qui est rapportée en langue vernaculaire. Donc cette notion est plus complexe que ça. Et puis ça dépend vraiment des régions. Pour les statuts, on oppose très nettement, très souvent, deux régions très proches, celle de Florence et de Sienne, par exemple. Et on voit bien qu'à Sienne, les statuts en vulgaire sont écrits beaucoup plus tôt qu'à Florence, parce qu'il y a une habitude sans doute plus fréquente d'exposer les statues, etc. Enfin, Mario Ascheri a essayé de montrer ça pour Sienne. Mais pour le Midi, c'est pareil. Comment ? Pour le Midi, c'est pareil. Ouais. Enfin, je pense qu'il faut... à la fois, il y a une question... disons, on peut se poser la question du passage au vernaculaire d'une manière globale, mais les réponses doivent être des réponses très en contexte, parce que finalement, on n'a pas quelque chose qui serait... comme une sorte de mouvement de basculement généralisé vers le vernaculaire. Là, je parle des langues. La vernacularisation des savoirs, c'est autre chose. Mais il me semble qu'effectivement, il faut regarder les choses de près et en particulier tenir compte, Paul l'a dit, de ces questions de technicité, de quelque chose qui est peut-être de l'ordre aussi des traditions selon les villes. Et puis d'un autre élément, qui est un élément qui n'a pas été évoqué, je me permets de l'ajouter, qui est aussi la question du destinataire des documents. En particulier, dans le Midi, on est dans un système de bilinguisme qui dure extrêmement longtemps. Les villes du Midi, pour un certain nombre d'entre elles, basculent à l'occitan assez tôt pour les documents administratifs, mais par contre, restent en latin pour les documents notariés et communiquent en latin avec le roi. Donc, selon effectivement le destinataire et l'utilité des documents et la visée des documents et la tradition des documents, on va avoir des phénomènes de vernacularisation qui seront avec une chronologie qui varie. Ce qui est important aussi, c'est qu'il ne faut pas, à mon avis, voir la vernacularisation de manière péjorative. On est devant donc des habitudes, des construction, des constructions graphiques qui sont liées en effet à des particularismes ou culturels pour la plupart d'entre eux. Ouais. Et si on met dans une copie vulgarisation, c'est péjoratif ? Il vaut mieux mettre vernacularisation. Alors, Michel Bagnard, il dit que tout est péjoratif, donc de toute façon, ça revient au même. Voilà. Donc, quel que soit effectivement le terme qu'on emploie, on est dans. C'est mal. Donc, non, mais enfin, de fait, si on regarde le sens réel des termes, c'est vrai qu'on voit bien qu'il a raison. Hein, ben oui. Mais bon. Passage au roman, dans ce cas-là, je ne sais pas. Pour ce qui est du phénomène de la vulgarisation ou vernacularisation des autorités, là aussi, je pense qu'il y a quand même quelques différences entre les pays. Mais pour reprendre l'exemple français que je connais le mieux, ça a surtout lieu à partir du XIVe siècle. Et le but de la manœuvre, en particulier des traductions demandées par Charles V, c'est évidemment de transmettre cette culture savante cléricale, finalement, à un cercle beaucoup plus large, pas seulement le cercle royal, hein, mais toute l'aristocratie laïque qui fréquente la cour royale. Le but de cette mise en langue vulgaire, finalement, par exemple, d'œuvres d'Augustin, c'est exactement ça, la diffusion d'un écrit de manière plus vaste à l'ensemble de la société. Bon, je crois qu'on va devoir quand même s'arrêter. Je termine en faisant un peu de publicité pour mon camarade Didier Lett, hein, qui organise le vendredi 14 février une journée d'études écrit, pouvoir et société. Société sans S, hein, qu'est-ce que c'est que ça ? Ben, dans les communes de l'Europe méridionale. Ouais, non, mais ça, c'est ton titre. Lett, il ne s'applique jamais à lui-même. Voilà. Dans j'ai les communes de l'Europe méridionale. Pour attirer le chaland, j'ai bien montré que c'était le sujet d'agrégation. De la charte au registre. Hein, c'est tout. Voilà, de 13h à 18h à l'Université de Paris maintenant, ouais, voilà. Sur le site Olympe de Gouges, salle 209. Je pense que ça a circulé. Et on y parle. Il y a Barcelone, il y a Gênes, il y a Marseille, bon, peut-être plus connu, mais il y a aussi les Marches, hein, une région d'Italie évidemment qui reste un peu le parent pauvre de l'historiographie italienne. Macerata. Parce qu'il y a Francesco Pirani, qui est un collègue de Macerata, qui vient parler. Merci beaucoup. On a bien fait de sortir. C'est ça. Exactement. C'est un peu de plaisir.